αγάπη μου, για τρύφα και την υπάρχω για με. Ιεσού, on y περίμπω ατσίφα, νιμπέ μόιονι μόνο παπά. Κουένιε ματσοζί, κουένιε φουράχα, κουένιε μαπίτο, νιμπό ατσίφα. Kwenye hali zote, mimi niimbe, bila kuchoka, wimbo wa sifa. Nisizuiwe na hofu, mashaka wala uoga, faraja na tumaini lako, likawe wimbo. Kama ulinipa baraka, kato sitasumuka, neema yanitosha, nipe na wimbo wa sifa. Kwenye furaha, kwenye mapito, wimbo wa sifa. Kwenye hali zote, mimi niimbe, bila kuchoka, wimbo wa sifa. Quand j'ai prié, Seigneur, écoute la prière de mon cœur. Et puis, mets ta chanson dans ma bouche. Ni-me, dans les larmes, je vais chanter. Dans la joie, chanter. Dans les autres rêves, chanter. Je fonds de louanges. Quand il y a les autres, ni-me, bila kuchoka. Wimbo wa sifa, niimbe, niimbe, niimbe tu. Wimbo wa sifa, ande fatigue, chante, dans les larmes, je vais chanter. Dans la joie, chanter. Dans les épreuves, chanter. Chanson de louange, dans tous les cas, je vais chanter. Moi je vais chanter, sans me fatiguer, chanter. Chanson de louange, ni imbe, ni imbe, ni imbe, tout. Wimbo wa sifa, ni imbe, kwenye mapito, ni imbe, wimbo wa sifa.